France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 99. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 16 décembre 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es charité bien ordonnée, tu es grosse thésaurisation, tu es... Oh, ben j'ai oublié mon portefeuille, dis donc. Tu es Badlaine planquée sous le matelas, tu es Harpagon et sa cassette, et tu es aussi... Les jouets sont devenus inabordables. J'en ai eu pour 785 francs. Les enfants sont pourris, vous savez. Alors qu'avec un bout de ficelle et un morceau de carton, ils s'amusent comme des fous. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu as des oursins plein les poches, tu es un vrai radin. Alors, à 15 jours de Noël et face à sa farandole de dépenses somptuaires, la période s'annonce plus qu'effroyable pour nos amis qui entretiennent le culte de l'argent. Ainsi, afin de les accompagner dans ce calvaire qui les ulcère, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de t'offrir durant 53 minutes une petite visite de ce vice qu'est l'avarice. Et pour commencer d'ailleurs, de la poule aux œufs d'or, à l'écureuil et son trésor, nous chercherons à comprendre pourquoi certains d'entre nous sombrent parfois dans la radinerie. Ensuite, durant quelques minutes, entre combine et déprime, nous essaierons de te décrire ce que peut être le quotidien d'un radin. Et dans la foulée, nous constaterons avec les déchiens que pour le radin, justement, certaines pertes sont plus difficiles que d'autres à supporter. Et puis, nous chercherons à savoir quels sont les rapports qu'entretient M. Sarkozy avec le pognon. Serait-il plutôt fiefé flambeur ou alors fanatique du magot? Et enfin, nous découvrirons les expédients de ce crevard de Jean-Claude afin d'offrir sans souffrir des cadeaux de Noël à Monique et leur môme. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et dépense-toi sans compter. Day Tripper. C'est un petit rock des Beatles, comme le disait John Lennon en 1965. Remarque, toi aussi, il arrive parfois que tu aies envie d'étriper le radin lorsqu'au troquet, il n'est même pas foutu de t'offrir un Beatlemant. Allons, tout ça, c'est de la bouffonnerie. Alors ce matin, à l'heure où les radins se tordent de douleur à l'idée d'acheter des cadeaux de Noël, même des pas chers, hein, la panique au Mangin Palace a décidé de consacrer une émission à ceux dont la passion n'est autre que l'accumulation du pognon. Et pour commencer, nous nous sommes demandé quelle peut être la cause réelle de l'avarice et surtout, quelles théories peuvent expliquer le naufrage de certains humains dans la radinerie. L'avarice, c'est un attachement excessif à l'accumulation de richesses. C'est surtout une source de souffrance pour soi et de ridicule pour les autres. Ainsi, le personnage de l'avare, comme l'Harpagon de Molière ou le père Grandet de Balzac, sont des figures caricaturales de ce vice que certains jugent démoniaque. Ainsi, saint Augustin, dans sa Somme théologique, définit l'avarice comme l'un des sept péchés capitaux dont le démon serait Mammon. L'avare, qui aime donc tant posséder, le serait déjà lui-même. Mais certaines écoles de pensée ont trouvé d'autres causes à la radinerie. Par exemple, il y a ceux qui pensent que le besoin d'accumulation de biens s'explique par nos gènes, un vestige du temps où nous étions comme des animaux. Toutes les fois que vous voyez un tout petit bébé chêne, vous savez, le chêne d'un an, là, 10 cm de tronc, gros comme un fil de laine, avec une petite feuille en haut, une seule petite feuille. Toutes les fois que vous voyez ça au pied d'un pin, c'est que c'est un écureuil qui a planté le gland. Parce qu'il est un rongeur. Et les rongeurs, en hiver, ou bien ça dort comme la marmotte, ou bien ça fait des stocks comme l'hamster. L'écureuil, lui, fait des provisions. Ça se passe en été. Il cueille des noisettes, des glands, et il va les enterrer pour les manger en hiver. Seulement, dans sa petite tête d'écureuil, il n'y a pas beaucoup de mémoire. Et l'écureuil oublie souvent l'endroit où il a fourré ses glands, ses noisettes. Alors il pousse, et on peut dire que l'écureuil est pour beaucoup dans la multiplication des chênes de nos forêts. C'est pour ça qu'il est utile. L'écureuil, bestiole radine, est donc utile, à tel point qu'il est devenu la mascotte de l'épargne. Ainsi, l'avarice humaine peut se comprendre comme la reproduction d'un comportement animal. Mais tous les animaux ne sont pas radins, me diras-tu. Et c'est vrai. Et de même, toutes les sociétés humaines ne sont pas non plus affublées du stéréotype de la radinerie. Et quand c'est le cas, c'est souvent à tort parce que... Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. L'Auvergnat, tout comme l'Écossais, s'est vu malheureusement pour lui associé au stéréotype du radin. Alors que non, il n'est pas avare, il est économe. Pourtant, rechercher l'explication de l'avarice d'un individu dans son origine géographique, c'est aujourd'hui complètement dépassé. Il est plus pertinent d'explorer le milieu social. Car ce que le radin amasse, c'est surtout de l'argent, qui n'est alors plus qu'un simple symbole de puissance et un outil de distinction. Car l'avaricieux cherche à tout gagner. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus

ce n'est plus de l'argent. Oh, on s'en sort quand même. Mais ça coûte cher, les petits voyages en Suisse. Et il n'y a plus de sous. C'est ce que constatait en 1977 l'incontournable Rissé Barillet. Parce qu'à la même époque, Raymond Barillet à Matignon. Et il rit, c'est sûr, lorsqu'il met en place son plan de rigueur et qu'il reprend le même refrain des radins. Il n'y a plus de sous. Alors, la pendule chic et pas chère du Mangin Palace nous indique qu'il est désormais 11h20. Et après avoir décrypté ce vice qu'est l'avarice, il est temps désormais d'essayer de te décrire ce qu'est le quotidien d'un radin. Oui, mon ami, quelle est l'existence du crevard ? Depuis des siècles, comme chacun sait, la morale judéo-chrétienne condamne la pingrerie. Si bien que le radin, du moins jusqu'à présent, trouvait systématiquement des entourloupes bidons pour justifier son refus de cracher l'oseille. Cela dit, les temps changent. Désormais, l'époque vante les mérites de la rigueur économique. Du coup, devenir chiche, c'est être au diapason. C'est ainsi que depuis quelques jours, les usagers du métropolitain parisien peuvent observer une étrange publicité. Placardée sur les murs, elle te refourgue une bûche de Noël gigantesque pour 1 euro seulement. Une aubaine pour le crevard, me diras-tu. Oui, sauf que cette publicité-là, justement, met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Le père Balzac écrivait que l'avarice commence ou la pauvreté cesse. Le pingre n'ira jamais acheter une bûche de Noël dégueulasse pour 1 euro, non. C'est le pauvre qui doit malheureusement s'en contenter. Car figure-toi que les radins s'organisent différemment pour leurs fêtes de fin d'année. Ils savent recevoir leurs amis, qui ne sont jamais déçus. Je n'irai pas réveillonner chez Lucienne ce soir. J'ai refusé. Pourquoi ? Parce que j'ai trop de mémoire et que je me souviens du réveillon de l'an passé chez elle. Nous réveillonnerons à une trentaine chez moi, m'avait-elle dit. Voulez-vous être des nôtres ? J'offre le plat principal et chacun apporte boisson, entrée, dessert. Arrangez-vous avec les autres. La maison était jolie et l'atmosphère, grâce au champagne, fut vite gaie. On entama le foie gras dans la bonne humeur, il était exquis et varié, bien sûr, et trop copieux, car chacun s'était révélé très généreux, de crainte de faire moins bien que le voisin. « C'est merveilleux, dit à la blague Lucienne. Tout ce foie gras qui me reste sur les bras va me servir à donner cette semaine un dîner de 12 couverts. Je dois des politesses à des tas d'enquiquineurs. » On croyait que Lucienne plaisantait parce qu'on était tous innocents et qu'on ne la connaissait pas. Mais on eut vite fait de comprendre. Lorsqu'arriva de la cuisine le plat principal, sa contribution au réveillon. Nous nous attendions à des dindes, à des pintades, à la rigueur, à des poulets. Ne volez pas si haut. Vous rêvez, nous rêvions, dans des plats d'argent, une paire de saucisses de Francfort par invité, auréolée d'un peu de salade de pommes de terre. Et voilà tout. On s'est regardé, et malgré notre excellent champagne, la gaieté est tombée. Et chaque année, ce renard doit être obligé de trouver de nouvelles proies. L'hameçon en forme de saucisse n'accroche qu'une fois. Eh oui, les crevards sont des spécialistes du traquenard. C'est bien pourquoi l'avare ne peut être que blindé de thunes. Et même si c'est assez jouissif, rares sont les occasions où le pingre lui-même se fait piéger. Je vais casquer la note, vous casquez le pourliche. Vous mettez $1 par tête. Allons-y, tout le monde crache un petit billet pour la serveuse. À vous, ton dollar, mec. Le pourliche ? Ça, non, j'y crois pas. T'y crois pas ? Pas au pourboire. Tu crois pas au pourboire ? Tu sais ce qu'elle gagne, ces filles ? Des clopinettes. Déconne pas, si elle gagne pas assez de pognon, qu'elle se barre. Il donne pas de pourliche ? Comment ça, tu donnes pas ? Il trouve ça choquant. La ferme. Comment ça, tu trouves ça choquant ? Allez, allonge un dollar, sale petit rapier de merde. Je t'ai payé ton petit déjeuner. D'accord, t'as payé le petit déj, je marche. Mais normalement, je refuserai. Ah ben, ton normalement, il n'intéresse personne. Tu craches ton dollar et puis t'arrêtes de me les rider. Merci. En général, aller dîner au restaurant, c'est une horreur pour l'avare. Certes, jamais de pourboire. Mais lors de la commande, c'est atroce. Doit-il prendre la formule la moins chère au cas où chacun paierait sa part ? Ou alors doit-il s'orienter vers le plat le plus onéreux si par hasard l'addition devait être divisée globalement ? tu vois le roublard. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un avare croit son économie en danger, il peut être obsédé par son vice et du coup s'enferrer dans des justifications totalement foireuses aux yeux de l'Assemblée. Il y a un point de passage obligé, c'est de dépenser mieux et de dépenser moins. Et c'est à cela que nous devons maintenant travailler ensemble, la majorité et le gouvernement. On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu ? Le premier poste de dépense qu'il faut maîtriser, c'est la dette. Ne bouge pas comme ça, tu me fatigues. Deuxième poste de dépense important, un peu de calme, la fonction publique. Collègues. Bouge pas comme ça, tu me fatigues, je te dis. La politique de la fonction publique un ne peut pas consister calme, à augmenter indéfiniment calme. Les effectifs de la fonction publique comme cela a été fait de 89 à 93. Toi aussi, il faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Je préfère une fonction publique moins nombreuse, plus efficace et mieux à l'aise dans ses missions qu'une fonction publique qui fait de la mauvaise graisse, et c'est cela que nous vous proposerons. Les avaricieux ne connaissent donc jamais de répit. Ils sont toujours à l'affût du moindre gain et se sentent constamment menacés d'une dépense impromptue ou d'un cadeau à offrir. La priorité absolue consiste donc à ne jamais se faire gruger. L'obsession est telle d'ailleurs que même au fond de son lit, au cœur de la nuit, le crevard fait souvent de gros cauchemars. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. Bien souvent, c'est au réveil. Ulcéré justement par cet affreux cauchemar que l'avare redouble d'ingéniosité dans ses combines afin d'échapper à certaines dépenses qui viennent sans cesse attaquer son magot. Et parfois, la souffrance que provoque l'idée même de raquer est si vive que les plus pingres perdent alors la raison et franchissent allègrement la limite. Les fraudeurs seront les payeurs. Ainsi donc, après Michel Polnareff, Charles Aznavour, Claude François, Madame Soleil, eh bien Johnny Hallyday, à son tour, est inculpé pour fraude fiscale. On lui reproche d'avoir dissimulé 4 millions de francs de revenus pour l'année 71-72. Johnny, bien sûr, est le premier étonné, car il faut dire qu'un artiste ne s'occupe pas de gros sous. Il s'est confié à Pascal Delannoy. Moi, je ne me suis jamais occupé de mes comptes moi-même. J'ai engagé des gens, sans doute, très certainement, qui ont mal géré mes comptes. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette. Et comme je n'y comprends rien du tout, moi, au compte, je ne suis pas un homme de compte, je suis quelqu'un qui essaye de faire de la musique et j'essaye de le faire le mieux que je peux, je n'ai pas pu m'en rendre compte, et puis voilà. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Certes, la pingrerie peut parfois conduire certains à vouloir se soustraire aux impôts, mais nous allons maintenant constater, grâce aux déchiens, que l'avare connaît tout de même des pertes plus difficiles que d'autres à supporter. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité à l'enterrement de votre papa. Ah oui ? Ah oui, je trouvais ça bien, impeccable. Ça vous a plu ? Ah, beaucoup, hein. J'ai pas l'habitude de faire des compliments, mais j'ai trouvé ça... Tout, et puis tout m'a plu. Hein. Ah bah j'ai mis le paquet. Hein. Ah oui, bah j'ai bien. Et puis je trouve que le deuil vous va drôlement bien. Ah oui. Ah oui, non, sans faire de compliments, puis tout. Je sais pas, quand j'ai vu l'espace diesel arriver, j'ai trouvé impeccable, noir, vitre teintée, tout impeccable. Pas hésité à la messe, c'est pareil. La messe, j'étais aux petits oignons. Hein. C'est ce que je me suis dit. La messe est aux petits oignons. Puis le curé s'appelle Chasub, ouais. La petite Mirabelle d'enfant de cœur qui le suivait. Le cercueil était. Ah voilà, c'était du chêne. Magnifique. C'était du chêne au moins. Imperméabilisé, oui, en chêne. Oui. Velouré rouge. À l'intérieur. Oui, clouté doré. J'ai pas osé regarder à l'intérieur. Ben, vous auriez dû parce qu'il a été ouvert pendant 2 jours. Ah ben oui, j'ai pas osé. Je me suis dit, si tout le monde l'ouvre, le referme, ben ça va. Non, mais il fallait pas hésiter. Ah ben oui. Puis après, même le vin d'honneur qu'il y a eu. Puis le restaurant sur la route de Parier. Ah oui, je peux vous dire que ça m'a coûté un paquet. Ah bah oui, mais tout était... Un paquet, mais je voulais vous le dire, mon parce plan que d'épargne, il est... c'est rare de réussir aussi bien les enterrements. Je vous dis, mon plan d'épargne, il est... Pas de pep ? Oui, mon pep, oui, il est mort, quoi. Je sais pas, j'étais pas au courant. Ah ben, il y a pas... J'étais pas au courant. Ça a été fatal. Votre pep est mort, quel âge qu'il avait ? À peine 5 ans, quoi. À peine 5 ans. 5 ans, tout juste. J'étais pas au courant. Ouais. Ah ben il a... Excusez-moi, c'est de ma faute. Il vous reste un PEA quand même. Oui, mais enfin bon... C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même chose non plus. C'est pas la même chose. Pauvre monsieur Locher. Meet you downstairs in the bar and her. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear a man down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in a place but I can't get joy. Thinking on you in the final throes. This is good. C'est ce que nous confirme l'imprévisible Amy Winehouse. Tu sais que je ne suis pas sage. C'est également ce que répond la dépensière à son radin de mari. Mais il s'en fout, car manque de veine, en vieillissant, elle aussi. Elle risque de la choper, l'avarice. Alors maintenant, à 11h33, la panique au Mangin Palace va te révéler en exclusivité la nature des rapports qu'entretient M. Sarkozy avec le pognon. On le dit volontiers dépensier, mais qu'en est-il exactement ? Eh bien, figure-toi que mardi dernier, sentiment rarissime chez lui, Nicolas Sarkozy n'était pas très en forme. Il avait tout simplement le moral au fond des chaussettes, car lui-même avait conscience de s'être fait totalement berner par le sémillant colonel Kadhafi. Cela dit, soucieux du moral de leur patron, Claude Guéant et David Martinon ont alors décidé d'aller dîner avec lui dans un restaurant chic du 7e arrondissement. Et au moment de l'addition, M. Sarkozy fut un grand seigneur. Bon, l'apéritif c'est pour moi, pour le reste, je sais pas comment on fait, on partage ? Non, non, on partage pas. Depuis 3 mois, c'est toujours nous qui payons. Cette fois, c'est ton tour. Ok, y a aucun problème. Mais je la prends l'addition. Oh. S'il vous plaît, je vais payer en carte bleue. C'est quand même pénible ce genre d'insinuation. Je pourrais me vexer, hein. Il y a un problème, monsieur. Comment il y a un problème? Putain, j'arrive même plus à me rappeler de mon code. Voyez l'état dans lequel vous me mettez, quoi. Décidément, la journée est toute pourrie pour M. Sarkozy. Voilà maintenant que ses deux plus proches collaborateurs insinuent que le président est une grosse pince. D'autant qu'à la table juste derrière, dîne également Madame Royale, à qui la scène bien sûr n'a pas échappé. Évidemment, elle pouffe et murmure à ses convives qu'en réalité, M. Sarkozy, c'est une grosse pince, dis donc. Immédiatement, Nicolas se lève et s'avance vers elle. Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux ? Je pense d'une façon générale que les Français ne supportent plus les gaspillages. Et qu'un euro dépensé doit être un euro utile. Mais qu'est-ce que tu entends par là ? Lorsque l'on voit le nombre de familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, ce n'est plus supportable. Et de qui veux-tu parler ? Moi, je l'ai fait dans la région Poitou-Charentes en arrivant. J'ai baissé d'ailleurs déjà la rémunération des élus. Mais c'est ce que je veux faire ! J'ai supprimé les grosses voitures. J'ai arrêté les dépenses de réception pantagruélique. Je tremble, tu n'es soupçonné quelque chose de mon argent. Et donc, vous voyez que c'est possible. Faut bien que vous me dérobiez. Je dis tous les jours, dans ma région, un euro dépensé, un euro utile. Vous n'avez pas le droit de gaspiller parce que vous gérez les budgets des autres. Laissons cela et parlons d'autres affaires. Qui sont-ils, ces avaricieux ? Parfois, on me dit, ah, bah, vous êtes radine, etc. Oui. Bah oui, je suis radine avec l'argent des autres. Qu'est-ce que tu parles de voler ? Montre-moi tes mains. Voilà. Rassuré que Ségolène ne lui ait pas fait les poches, M. Sarkozy préfère prendre congé et décide de rentrer au palais de l'Élysée, où, comme chaque soir avant de se coucher, Nicolas fait le point avec le duo Martinon-Guéant sur l'état des finances du château. Mais visiblement mardi dernier, il y avait un souci. Sire, croyez-nous, c'est catastrophique. Séché, désossé, plus un radis, les caisses sont vides. Et c'est pas une image, hein. On voit le fond. Mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je croyais qu'on faisait gaffe. Mais qu'on faisait gaffe ? Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein ? Je rêve ? Sire, je peux vous affirmer que les dépenses engendrées par les réceptions officielles sont loin d'égaler le budget colossal englouti par la défense du territoire. Ah ben ça y est, je l'attendais celle-là. Ah ben faut ce qu'il faut, hein. Je vous signale au passage que c'est à cause de ça qu'on n'avait plus que des asperges à servir au prince vandale. Il n'y a pas de honte à servir des asperges. Non, mais que des asperges, ça fait un peu rapide, excusez-moi. Ulcéré par cette situation financière catastrophique, notre président décide alors d'aller se pieuter, car la nuit porte conseil et demain, du coup, il trouvera sans doute une solution à ses effroyables soucis pécuniaires. C'est l'or. Après une nuit quelque peu agitée, mercredi matin donc, comme tous les matins, Claude Guéant, le grand chambellan, réveille M. Sarkozy. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur. Il est 8 heures. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort ? Tout à fait sort. Ah, ben ça alors ? Regardez sous le lit. Rien sous le lit. Et en effet, il semble bien que le trésor personnel de M. Sarkozy, qu'il conserve jalousement au pied de son pieu, ait été visité durant la nuit. Nicolas est alors au bord de la crise de nerfs. Au voleur ! Un assassin ! Au meurtrier ! Justice ! Justicielle ! Je suis perdu ! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent! Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en vis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Claude Guéant fait tout de même remarquer à M. Sarkozy qu'il exagère sans doute un peu, hein. Certes, les caisses sont vides et il semble que quelqu'un ait un peu tapé la cagnotte perso. Mais bon, ça va aller quand même. Ce à quoi Nicolas lui répond immédiatement qu'il ne se rend pas compte ou quoi. Il va devoir dire la vérité aux Français et que maintenant... Les Français doivent savoir. Moi, je suis pauvre. Hein ? Je suis dans des taudis, j'ai rien. Je suis trop endetté, c'est la merde. Moi je suis foutu. Enfin, enfin bon. Claude Guéant tente alors de calmer son mentor et fait remarquer à M. Sarkozy qu'il n'y a pas si longtemps, il se souvient très bien, ils ont prêté un peu de thune à François Fillon pour qu'il puisse s'acheter une Rolex et il serait peut-être temps justement de le lui rappeler, histoire qu'il leur rembourse sa dette. Aussitôt, Nicolas décroche son téléphone et réclame son bien au Premier ministre, qui lui explique... La vérité, c'est que moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Au fond de ses poches, il y a des oursins. Il ne paye jamais de coups aux copains. Je suis à la tête d'un État qui est en déficit chronique. Dans son frigidaire, il n'y a jamais rien. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre. Ça peut pas durer. Oui, monsieur Gripsou, c'est monsieur Radin. non mais attends, c'est François Fillon la grosse pince, oui ? Se dit Monsieur Sarkozy. David Martinon propose alors au président de passer quelques coups de fil au ministre, histoire qu'il crache au bassinet, dans l'espoir de renflouer un peu le magot de Nicolas. Aussitôt, le président consulte ses différents ministres au téléphone et leur réponse est unanime. Je ne donne pas quand on essaie de me faire pleurer. Dans leur cœur, il y a des cactus. Je ne donne pas parce que je ne sais pas à qui donner. Je ne donne pas parce que je vois pas à quoi ça sert. Dans leur portefeuille, il y a des cactus. Je ne donne pas quand je ne me sens pas concerné. Je ne donne pas. Je ne donne pas parce que je n'ai pas confiance. Je ne donne pas. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Sarkozy est effondré. Ses ministres ne sont que des pingres ingrats après tout ce qu'il a fait pour eux, bon sang. Que faire désormais ? Eh bien, selon Claude Guéant, il ne reste qu'une seule chose à faire, s'appuyer sur leurs nouveaux alliés et en premier lieu sur Dominique Strauss-Kahn, le boss du Fonds monétaire international. D'ailleurs, toujours au téléphone, Dominique confirme à Nicolas que depuis qu'il vit à Washington, bordel... J'ai 50 Bentley aux États-Unis. Ça ne me fait rien. En jet privé de New York à Paris. Ça ne me fait rien. Yeah, sur les billets, tu vois mon portrait. Ça ne me fait rien. Hey, si tu partages pas, tout le monde s'en va. Descends dans le quartier, tu te feras brûler. Au revoir. Et voilà, encore un qui refuse de partager ses richesses avec M. Sarkozy. Décidément, rien à en tirer de celui-là non plus. Quand soudain, la compagne de Bernard Kouchner, Christine Ockrent, déboule par hasard dans le vestibule. Effondré, Nicolas lui fait part de ses soucis. En gros, qu'il est perdu, juste ciel, on lui a dérobé son argent et qu'il ne trouve pas d'issue pour se remettre à flot. Et ben là, figure-toi que c'est Christine Ockrent qui lui offre enfin la solution. Alors attends, attends, faut être logique. Si tu peux pas gagner plus, faut dépenser moins. Les courses, tu les fais où ? Dans le quartier. Nous, avec Bernard, tous les samedis après-midi, on va à Mammouth. C'est sûr, c'est pas marrant. Seulement, chaque semaine, on économise 100 francs. Fois 4, 400 francs. Sur un an, 4800 balles. En 10 ans, 48 000 francs. Comme il dit Bernard, nous, on n'est pas radins. On est malins. Oh là ! Monsieur Sarkozy constate dès lors que Christine est un peu fatiguée. Déjà, elle parle encore en franc, elle. Et surtout, Mammouth, ça n'existe plus. Décidément, personne n'est foutu de le renflouer. Guéant et Martinon ne savent plus sur quel pied danser, mais bon, de toute façon, trois c'est trop pour un tango. Trois c'est trop pour le tango. Et deux c'est quelquefois trop. Y a deux tables de la loi, y en a que deux, pardon, pas trois. Mathématiques. Trois c'est trop pour le tango, ça ne vous gênait pas trop, ce coin d'enfer, du côté des chiffres impairs, comme il y a ne plus savoir qu'en faire, encore bravo. Y a deux Irlandes, bientôt plus qu'une, y a qu'un champion à la une, bien sûr y a qu'un seul amour. Les deux qui sont pour, trois c'est trop pour le tango, et deux c'est quelquefois trop. Oh, oh, oh, oh, oh. Trois c'est trop, c'est ce que constate avec une certaine lucidité Lambert Wilson. Parce qu'à trois dans l'aube, le radin peut dénicher mieux que partout ailleurs en Europe une montagne de fringues à bas prix dans les magasins d'usine. Et pour lui aussi, évidemment, trois c'est trop bien. Alors maintenant, à 11h44, et toujours en direct du Mangin Palace, pour prolonger notre balade en compagnie des affreux Gripsou, il est grand temps de retrouver, sans parcimonie, nos merveilleux héros, les généreux Monique et Jean-Claude. Sauf que, la semaine dernière, Jean-Claude a soudain pris conscience de l'augmentation très nette du coût de la vie. Et immédiatement, il a voulu faire appliquer quelques combines à sa famille. Ça a commencé avec sa fille Elsa, le matin. Il faut bien fermer le robinet de la salle de bain, parce que le joint est pété. Et sa fille, à la fin de l'année, ça fait 100 euros dans le lavabo. C'est dommage. Change le joint, ça coûte trop mal. Oui. T'as grandi un peu encore, non ? Eh ben oui, Elle a grandi, Elsa, et d'ailleurs, elle dit à Jean-Claude que d'accord, elle fera gaffe avec le robinet. Bon, Elsa veut bien économiser l'eau, mais pour sauver la planète, hein, pas pour le fric de son père. Et puis, Elsa conseille tout de même à son radin de daron de surveiller Rémi, le fils de la famille, qui appelle au moins 3 fois par jour la Star Academy afin de voter pour son candidat favori. Jean-Claude fonce alors Fissa dans la chambre de son gamin pour lui expliquer à quoi ça ressemble véritablement, la Star Academy. C'est Nikos, bienvenue dans le château de la Star Academy. Entrez dans ce monde magnifique. Ah, on me dit château dans l'oreillette. Le monde du tube cathodique. Il y en a donc plusieurs. Qui diffusent quoi? Une histoire très académique. Des histoires de cul aussi, on croise les doigts. L'histoire d'un château fantastique. Et tout ça pourquoi? Se faire de la maille, bien sûr. On ramasse plus que le Téléthon. On a signé pour être enfermé. Et maintenant, vous prenez le téléphone. Dans un château en plastique moulé. Alors, tapez 1. À la télé, les gens vont voter. Vous tapez 2. Tous les samedis pour nous dégager. Et nous, on vous tape votre blé. J'aime la Star Academy. Oui, on aime surtout le fric des spectateurs sur TF1, explique Jean-Claude à son fils. Mais le môme demande alors à son père pourquoi est-il devenu d'un coup aussi radin. C'est alors que Jean-Claude explique à Rémi que c'est bientôt Noël, que tout est cher et surtout qu'il a fait la connerie de dire à Monique « Je vais t'acheter des bagues et des tas de bijoux, des trucs en toc et des topazes, des perles et des cailloux, et c'est pas tout, et c'est pas tout. » Et il n'est pas du tout fini, le calvaire du radin Jean-Claude, car 2 heures plus tard, il se retrouve dans le magasin avec Monique pour choisir le cadeau de Noël qu'il doit lui offrir. Il est magnifique. Ouais. Oh, j'adore. Ouais. Très beau. Il est à combien, celui-là? Il est un peu cher, monsieur, mais là, c'est la gamme au-dessus, vous savez. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il est très beau. Oui. Vous savez, dans le même ordre de prix, j'ai d'autres modèles à vous présenter. Oui, je veux bien. Oui, oui, je veux bien voir. Vous me suivez? Oui. Allez, venez. Très bien. Tu viens, Jean? Non, mais vas-y, moi je reste là. Bon, tu le surveilles, hein. Vas-y. Attention, hein. Amuse-toi, t'es chez toi. Allô? Oui, bonjour, je voudrais faire opposition à ma carte bleue, s'il vous plaît. Ah, on me l'a volée, là. Oui? Ne quittez pas. 24, 27, 01, 22, 33, 22. C'est ça, merci. Elle est bloquée sur 1. Ok, merci, au revoir. Ah, bon ben, c'est trop con, ça. La carte bleue étant bloquée, Jean-Claude ne peut donc pas offrir le cadeau. Mais ce n'est pas grave, lui dit Monique, qui a son chéquier dans son sac. Et c'est ainsi que Jean-Claude a vu disparaître le chèque qu'il venait de signer à peine. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir. Comment? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Jean-Claude est donc obligé de quitter une partie de ses économies pour acheter des babioles onéreuses à Monique. Et le voilà avec un énorme collier sur les bras, beaucoup trop cher à ses yeux, alors que quelques éclats de verre auraient amplement suffi. Jean-Claude décide donc de refourguer ce collier en diamant. Mais à qui? Eh bien, à celui qu'on nous présente en ce moment comme le gogo à qui on peut tout refiler, le colonel Kadhafi. Jean-Claude se rend donc à l'hôtel de Marigny où le Bédouin a planté sa tente. Jean-Claude se retrouve donc devant l'hôtel de Marigny, là où crèche Kadhafi. À l'entrée, il y a une Amazone, une de ces femmes formant la garde rapprochée du dirigeant libyen. Prétextant qu'il est un très bon ami de Nicolas Sarkozy, et surtout qu'il a un truc super à vendre, Jean-Claude demande à être reçu par Kadhafi. Il est donc conduit sous la tente, et là, on lui présente un vieux trave fourré au botox. Ah, non, c'est bien Kadhafi. Mais Jean-Claude ignore comment on doit s'adresser à un chef bédouin. Alors il improvise, il fait une révérence et dit... Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie. Avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. Ah, ah, ah, ah, ah, Estefania, Kadhafi est tout de même très étonné de la passion de ces Français pour la Libye, ce nouvel Eldorado, et que posséder le pétrole, c'est mieux tout de même que les droits de l'homme. Jean-Claude explique alors à Kadhafi qu'en France en ce moment, avec les fêtes de Noël, ce n'est pas facile, que tout augmente, surtout depuis le passage à l'euro. Tiens, par exemple, le prix de la viande, ben... Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs. Le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs. La poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Le colonel Kadhafi, le regard dans le vide comme illuminé après avoir fumé trop d'encens, comprend alors les malheurs de Jean-Claude. En effet, voilà quelques jours qu'il reçoit les grands patrons français. Et Kadhafi, il sait quoi répondre. Vous en avez marre de ne pas profiter des bonnes choses de la vie? Vacances dans un hôtel club, vêtements chics, danseuses de French cancan? Alors je vais vous révéler les 12 secrets pour faire des économies que Wall Street garde jalousement. Puis je vous indiquerai les chemins pour rejoindre les pelotons des nantis. Voici donc les méga secrets numéro 1. Dépenser les minimums pour avoir les maximums. Voyez ces smokings? Je l'ai eu pour rien parce que Nixon est mort dedans. C'est joli yacht. Une super affaire parce qu'il sent les pipis des chats. Oh, le pichat. Et ces ravissantes jeunes femmes. Avant, c'était des hommes. Il faut que vous appreniez à ne pas lâcher les moindres sous. Répétez avec moi, ne pas lâcher le moindre sou. Il aimerait bien Jean-Claude. Mais là, ce qu'il voudrait, c'est que Kadhafi lui file un peu de maille. Alors, dans un sursaut de culot, Jean-Claude explique à Kadhafi que Nicolas Sarkozy lui-même est d'accord pour que la Libye finance le Noël de Jean-Claude. Mais là, le Bédouin semble rétif. Tout d'abord, nous n'avons pas évoqué, moi et le président Sarkozy, ces sujets. Nous sommes amis et proches collaborateurs. Ça n'a pas été évoqué. Pas du tout, absolument pas. Nous avons évoqué les questions de coopération entre les deux pays. Nous avons évoqué tous ces contrats dans différents domaines et dans l'intérêt des deux pays. Nous avons parlé de la coopération euro-africaine, de l'Union méditerranéenne. Mais Jean-Claude insiste. Allez, on oublie le DC-10 et les infirmières bulgares, et tu m'achètes mon collier, mon vieux. C'est alors que le touriste le plus encombrant du moment, d'un signe de la main, demande à ce qu'on égorge sur le champ l'homme l'importun. Bon, on est en France quand même. Alors les Amazones décident simplement de le jeter à la rue. C'est ainsi que Jean-Claude est contraint de rentrer chez lui, où l'attend Monique avec impatience. En effet, pendant son absence, Monique a téléphoné à la mère du Jean-Claude afin de savoir s'il était constipé quand il était enfant. Et là, la mère de Jean-Claude n'a pu s'empêcher d'évoquer un souvenir d'enfance. Je préparais le dîner quand mon petit garçon est entré. Il m'a tendu un morceau de papier griffonné. Et voici ce qu'il disait. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes. Alors j'ai pris son crayon, j'ai retourné la feuille, et voilà ce que j'ai écrit. Pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance, cadeau. Mais c'est pas possible ça, se dit Jean-Claude. Tout le monde le prend vraiment pour un crevard. Eh bien non, une bonne fois pour toutes, il n'est pas radin, il est économe. Voilà, fin des accusations d'avarice, parce que Jean-Claude, ben, il a toujours tout dépensé. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a les filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort.